GoldenEye, I find your ease weakness. Moi, mon premier souvenir de James Bond, c'est un voyage en autocar avec mes grands-parents dans les années 80. On a regardé en boucle L'espion qui m'aimait, tout simplement parce que c'était la seule VHS disponible par le chauffeur du bus. À la fin du voyage, tout le monde me détestait parce qu'on a dû la regarder au moins 18 fois. Bonjour, Pierre de Pierrelatte. Merci pour vos émissions, surtout celle sur James Bond. Juste pour dire que le thème de James Bond n'est pas de John Barry, mais d'un pauvre Monty Norman. C'est lui qui a créé ce thème et bien sûr le génial John Barry l'a amélioré, mais le pauvre Monty Norman n'est jamais cité alors qu'il a gagné ses procès. Bonjour Frédéric, gros bisous de Bruno de la Belgique. Alors moi je voulais dire deux trois choses importantes. Un, dans James Bond, quand tu demandes le vodka martini, le barman il te regarde toujours et te dire mais qu'est-ce qu'il veut. Très compliqué à avoir. Deux, je crois, le tout premier message que je t'ai écrit, je voulais que tu parles de Goldorak. Pourquoi cet ostracisme anti-Goldorak? Peut-être que c'est le prince de fort, que vous êtes une république, est-ce que c'est contre la monarchie? Enfin voilà, moi je sens qu'il y a conspiration. Allez, gros bisous, continuez comme ça et à bientôt. Ciao, ciao. Ah non, je crois que ça tente, c'est autre chose. To be or not to be, not to be. Quand tu as l'ambition de faire un blockbuster sur Xena, la princesse guerrière sur France Inter, franchement, on te regarde bizarrement dans les couloirs. Alors attention, France Inter a évolué sur le sujet, mais il y a tout de même des limites. Xena, là, j'ai bien senti que même dans mon équipe, il y avait un doute. Hein. Xena, t'es sûr, Fred? La vieille série de TF1? Il est pas trop tard, tu sais. Si t'en parles pas, on n'en parlera pas non plus. Hein. Ça sera notre secret, on te jugera pas. Sarah Masson, l'attachée de production de l'émission, m'a même dit « T'as déjà révélé à l'antenne que t'écoutais les New Kids on the Block, t'as pas peur que ça fasse beaucoup pour une même saison ?» Même Céline Hila, la réalisatrice qui habituellement me soutient dans tous mes choix les plus polémiques. Si les filles, si, je suis désolé, Fred il a raison, mon petit poney c'est un blockbuster. Et ben même elle, elle m'a fait part de ses réticences. Écoute Fred, moi dans le fond j'ai rien contre Xena. L'année dernière tu voulais faire Goldman, on a fait Goldman. Tu voulais faire Céline Dion, on a fait Céline Dion. Mais Xena ? Et d'abord je les trouve où les sons ? Quoi ? T'as les DVD ? Toutes les saisons ? Mais ta femme le sait ? Quant à Jeanne Paravert, l'autre attachée de production de l'émission, elle qui vit au rythme des chansons de Benjamin Biolay, qui vibre devant les films d'Arnaud Desplechin et avec Mathieu Amalric, ça fait 15 jours qu'elle me parle plus. Ok, j'avoue, Xena, comme ça, tout de go, ça semble un cas difficile à défendre. Mais dans ces moments-là, je repense à Maître Dupont-Moretti. S'il avait pas défendu Balkany, eh bien aujourd'hui, il serait peut-être pas garde des Sceaux. Donc, mesdames et messieurs les jurés, votre honneur, laissez-moi tenter de réhabiliter ma cliente, Xena, princesse guerrière. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Combat. Passion. Danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. En 1995, à une époque où les séries ne font pas l'objet d'un culte tel qu'aujourd'hui, apparaît sur TF1 une série intitulée Hercule qui narre les aventures du fils de Zeus et de la mortelle Alcmène, un Hercule qui tente d'échapper aux manigances de la terrifiante Hera. Derrière cette iconoclaste relecture de la mythologie classique se trouve un producteur, Sam Raimi, le réalisateur d'Evil Dead et de la première trilogie de Spider-Man. C'est dans cette série qu'apparaît Xena, chef de guerre impitoyable, campé par la charismatique Lucille Oless. Impressionné par cette dernière et pressentant le potentiel du personnage, Sam Raimi, en association avec Rob Tappert et John Julian, décide de lancer un spin-off, une deuxième série basée sur Xena en parallèle d'Hercule. C'est le début d'une série qui, en l'espace de 6 saisons, va devenir un laboratoire d'idées bouillonnantes qui font d'elle une des séries les plus avant-gardistes de la fin du XXe siècle. Pour rendre à Xena ce qui est à Xena, j'ai avec moi Laurent Aknin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique et historien du cinéma et télévision, mais aussi mythologue, et votre dernier livre s'intitule « Ésotérisme et cinéma ». Oui, c'était une petite fantaisie que je me suis offert pour moi-même, puisque je m'étais rendu compte que l'ésotérisme, on en disait un peu n'importe quoi, mais moi, m'intéresse surtout au processus de l'imaginaire, c'est-à-dire les mythes en général. Et finalement, ce sont les mêmes images, les mêmes archétypes que l'on trouve, que ce soit dans l'ésotérisme le plus sérieux, le plus obscur, que dans les séries les plus fantaisistes, style Xena. Très bien, on va en parler. Avec nous également, Nora Boisoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et autrice, et on vous doit notamment la série Badass, excellente série sur YouTube, je vous invite à aller la voir, dont un épisode est dédié à Xena la guerrière. Avec nous également, et par téléphone, Jimmy Godard-Picot, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté française de Xena. Tout à fait. Et ben voilà. Ensemble, on va revenir sur la création de Xena et de son univers, sur ce qui a fait de cette série un objet de culte pour les fans. On expliquera bien évidemment pourquoi cette série a eu un tel impact sur la communauté LGBT. En marge de ces évidences, on essaiera de vous montrer en quoi cette série a préfiguré les grands bouleversements du cinéma et du divertissement du 21e siècle. Et surtout, on parlera du parcours incroyable de Lucy Loles. Ah, Lucy. Cette actrice devenue impératrice de la galaxie geek. Allez, blockbuster spécial Xena, c'est parti. Ce que tu as fait avec ton anneau, c'est surprenant. Mais où tu as appris ça? Tu l'as trouvé toi-même? Et la façon de lancer l'anneau? Oh, tu veux bien me le montrer? Xena, on voudrait bien que tu partes. Qu'elle parte? Mais père, elle doit rester jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Ma fille, tais-toi. On ne veut pas avoir de problème, Xena. On connaît ta réputation, alors on voudrait que tu partes. Mais père, elle nous a tous sauvés. Très bien. J'avais prévu de m'en aller. N'attends pas trop. Tu veux bien m'emmener avec toi et me montrer tout ce que tu sais faire? Je t'en prie, ne me laisse pas ici. Pourquoi? Mais tu as vu l'homme avec qui on veut me marier? Xena, cette vie au village est insupportable. J'aimerais bien connaître un peu le monde. Je voyage seule. Où veux-tu aller? À Amphipolis. C'est en Thrace, n'est-ce pas? Je rêve de nouvelles villes, de nouveaux royaumes. Et quelle route tu vas prendre pour y aller? Ce n'est pas la peine d'y penser. À quoi? À m'accompagner. Tu ne veux pas me mettre en colère, n'est-ce pas? C'était un extrait de la série Xena la guerrière, un échange entre Xena et Gabriel, joué à l'écran par Lucy Loles et René O'Connor, et doublé en français par Denise Mettmer et Marie-Laure Douniac. Laurent Aknin, avant d'évoquer Xena, il faut parler des téléfilms Hercule qui ont précédé la série, du même nom, et à quoi ressemblait le paysage des séries télé à l'arrivée d'Hercule? Il était assez varié, mais c'est-à-dire que l'idée de Hercule, ça a déjà fait un sacré bouleversement. C'est-à-dire que Hercule est arrivé à un moment où le péplum, en général, était complètement mort. Au cinéma, on était quelques années avant Gladiator, donc plus personne ne parlait d'antiquité au cinéma, de jupettes, d'hommes bodybuildés, c'était complètement mort. Et même l'héroïque fantasy, puisque Hercule, c'est beaucoup plus proche de l'héroïque fantasy que du péplum classique, c'est-à-dire tout ce qui était venu après Conan le Barbare, etc., même ça, c'était un petit peu tombé aux oubliettes, donc c'est presque du péplum et de l'héroïque fantasy décadent. Dans le bon sens du terme, pour moi. Et c'est né quand même de l'imagination de Sam Raimi, qui a été bercé comme un cinéphile fou, comme un peu comme Tarantino dans un autre genre, parce qu'il avait vu dans les années 60 les films italiens, les massistes et Hercule, où tout se mélangeait joyeusement. Et donc, dans le paysage des séries télé, Le Choc des Titans, dans ces films qui étaient à la fois faits par des gens qui connaissaient très bien les mythes, mais qui, en même temps, les mélangeaient complètement avec dans un joyeux bazar, où l'imaginaire, on avait vu dans les années 60, Le Choc des Titans, mais aussi Massis contre Zorro, enfin, on peut tout imaginer. Donc, Rémy était quand même bercé à ça, et sa vision de Hercule, ça ressemblait un petit peu à ça, une série familiale, presque pour enfants, enfin pour grand public, assez débridée, avec un humour assez lourdingue, avec un comédien pas très charismatique, Kevin mais Sorbo. Quand même simple, Kevin Sorbo, mais très sympathique, voilà qui très était très, oui, très musclé, et donc il a lancé cette série qui est très très délirante dans ses scénarios. Ça supposait se passer en Grèce antique, c'est tourné en Nouvelle-Zélande, mais il y a aussi des Romains. On peut croiser Jules César, on peut croiser tout et n'importe qui. Donc c'est une série qui est supposée être une série antique, mais pas du tout respectueuse ni du genre ni des canons. On est dans une sorte d'imaginaire totalement débridé, et ça c'est vraiment l'idée de et l'humour aussi de Sam Raimi. Donc quand Hercule est arrivé, c'était ça l'idée. Il y a quand même une guest star de prestige, Anthony Quinn quand même, qui a participé à cette série. Et dans cette série, il y a eu Lucy Loles, qui est apparue une première fois dans un autre rôle que Xena, dans le rôle d'une Amazone. Oui, elle a joué trois rôles différents dans la même série. C'est ça. Et puis, elle est revenue. Et finalement, Xena est arrivée dans un second rôle récurrent. Enfin, c'est une histoire à suivre. Elle est apparue dans l'épisode 9, puis 12, puis 13, c'est ce qu'on appelle la trilogie Xena trilogie, à l'intérieur d'Hercule. La trilogie Xena à l'intérieur de Hercule, qui est donc le personnage a eu beaucoup d'impact. Ces épisodes ont été particulièrement appréciés, d'où l'idée de faire un spin-off à partir de ce personnage. Notez bien, c'est pas la première fois que ça se passe. Dans l'histoire de la série, des séries télévisées, il y a déjà eu comme ça des spin-offs à Dallas partir... Dallas et Côte Ouest d'une part, mais par exemple au niveau des héroïnes d'un film d'action, il y avait par exemple Super Jamie, qui avait été un spin-off de L'Homme qui naît 3 miroirs. Elle mourait à la fin d'un épisode, et le personnage a eu tellement de succès que finalement on a décidé d'en faire une femme bionique à la manière de Lee Majors, et donc elle a eu sa série à elle, à la suite de du premier feuilleton, L'Homme qui valait 3 milliards. Donc c'était déjà quelque chose qui se pratiquait. Alors là, je vais m'adresser à Jimmy Godard-Picot. À la base, Lucy Loles n'était pas le premier choix pour incarner Xena, non ? Alors là, je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Oh ! Et ben moi, je vous le dis, c'était pas le premier choix. Il a fallu qu'elle bataille, parce qu'effectivement, comme elle avait déjà joué deux rôles dans Hercule, les producteurs étaient réticents à lui confier le rôle de Xena, parce que évidemment, on se dit là, les spectateurs vont finir par se rendre compte qu'on a une femme qui joue tous les rôles, ce qui est un petit peu compliqué. Et qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans le personnage de Xena, Jimmy Godard-Picot ? Alors, déjà pour commencer, moi j'ai découvert la série un peu tard, parce que déjà la série a commencé, j'avais 2 ans. Donc moi j'ai connu la série, j'avais une dizaine d'années, et au départ je la regardais vraiment avec des yeux d'enfant en fait. Donc moi ce qui m'a beaucoup séduit dans cette série, surtout dans ce personnage, c'est que ça incarne vraiment c'est une femme forte, indépendante, et surtout le côté un petit peu rédemption. Justement de ce personnage qui est vraiment intéressant, et on voit vraiment l'évolution sur toutes les saisons, et je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Et puis plus tard, quand on regarde la série où j'ai pris un peu d'âge aussi, je me suis rendu compte un petit peu de la profondeur, que ce soit le personnage de Xena ou même des autres personnages, et ça je trouve que c'est vraiment la grande force de cette série, c'est vraiment la profondeur des personnages en fait. Oui. Nora Boisoni, qu'est-ce qui caractérise Xena et en fait un personnage hors norme pour l'époque? Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Xena, à la base, c'est une chef de guerre ultra féroce, sans foi ni loi. C'est une méchante. C'est la méchante. The bad and the evil. Elle, c'est la méchante. Elle a pillé des villages, elle a rasé des villages. Il y a des gens, notamment Callisto, son ennemi juré, qui lui en veut. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de mal, qui a tué beaucoup de gens. Donc, elle-même est dans une, comme disait Jimmy, dans un chemin vers la rédemption, mais là où c'est plus subtil que ça, c'est que Xena le dit plusieurs fois au cours des 6 saisons. Elle dit, il n'y a pas vraiment de bien ni de mal, en fait. Il y a des nuances de gris. Elle dit, à un moment, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que les choix les moins pires. Un beau discours de coupable, ça. Complètement. Elle devrait être avocate, peut-être. Donc ça, déjà, c'est intéressant, cette idée qu'on a fait d'un personnage, en plus féminin, la méchante d'une histoire, qui cherche à se rattraper, un peu à sauver son âme et à sauver les autres, du coup, puisque maintenant, elle fait le bien. Et elle se bat contre des gens. Et d'ailleurs, elle recroise des gens qu'elle a croisés quand elle était chef de guerre infâme et cruel. Et qui doute d'ailleurs qu'elle ait changé. Exactement, donc il y a toute cette idée aussi de peut-on changer, quelle est la nature de chacun et chacune, et on le voit aussi quand elles auront un enfant, Gabriel et Xena, on en parlera. Mais on va continuer de parler de Xena, mais pour le moment, on écoute une autre enragée, une princesse guerrière elle aussi, Kenny Arcana avec La Rage. Trop vite, quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli barrage, car un tapé dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Est-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde. Parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Et toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution. C'était la rage de Kenny Arcana dans Blockbuster sur France Inter. Alors pourquoi tu t'en prends à moi? J'aime la gloire et je voudrais devenir très célèbre comme Xena. J'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Tu n'es pas un bon soldat. Oh, si ça frappe un homme à terre. Écoute, depuis qu'on s'amuse ensemble, j'ai pris le dessus deux fois. Toi, écoute, tu n'y comprends rien. La plupart de mes ancêtres étaient soldats. Je veux suivre la tradition. Ça m'ennuie de te le dire, mais tu n'as pas l'instinct guerrier. Vraiment pas, hein? Non. Mais ça ne fait rien, non, ça ne fait rien. Tu peux être bon à autre chose. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime voler les gens. Non, autre chose. J'aime pêcher. Ben voilà, c'est bien. Tu feras un bon pêcheur. Tu crois? Oui, les pêcheurs, j'ai un petit faible pour eux. Merci. Je m'appelle Jacques Serre. Gabriel. Oh, je t'ai eu! Vous venez d'entendre Joxer et non pas Jaxer, hein. Là je pense que le comédien de doublage il avait lu trop vite. L'élément comique de la série Xena joué par Ted Remy et doublé par Emmanuel Carsan. Laurent Aknin. On a entendu que Hercule était la série qui avait fait naître Xena, mais c'est pas la seule série qui a émergé d'ailleurs d'Hercule. Il y a aussi le jeune Hercule avec un acteur qui dont on connaît le nom aujourd'hui. Oui, il y a eu le jeune Hercule. Il y a eu plusieurs. Qui est interprété par. Et là, j'ai le trou de mémoire. Je vais vous aider. Ryan Gosling. Ryan Gosling. La série n'a pas eu tellement de succès. Et c'est marrant, Ryan Gosling, je le vois tellement plus dans ce rôle que je l'efface complètement. Moi, dès qu'une jeune fille me dit, ah, moi j'adore Ryan Gosling, je dis, ah, La La Land, fais-moi Young Hercule. Young Hercule. Mais il y a eu d'autres, d'ailleurs, il y a eu d'autres séries qui ont un peu surfé sur le même. Il y a eu un nouveau Robin des Bois aussi, dans le même esprit, un petit peu de déconstruction, un petit peu délirant, comme ça, en mélangeant à peu près tous les styles, toutes les époques. Ça a vraiment lancé le presque un sous-genre de série télévisée à la fin des années 90, avant que on revienne sur quelque chose d'un peu plus sérieux quelques années après. Mais c'est très étonnant de voir que au moment où le genre mythologique au sens large était donné complètement mort, dès qu'il est mort quelque part, il réagit ailleurs. Ça, c'est quelque chose de systématique. C'est-à-dire qu'il n'est plus au cinéma, il apparaît dans une série. Il n'est plus dans une série, il va revenir au cinéma. Et cet imaginaire mythologique au sens large, dont a profité Sam Raimi avec Hercule et ensuite Xena. Xena, c'est très curieux parce que c'est un mélange de personnages tout à fait étonnant. C'est un personnage de fantasy. Il y a un petit peu de traces de Howard quand même dans la construction du personnage. Il y a un petit côté Red Sonja dans son personnage, mais il y a sur sa morale, c'est plutôt Kull, le roi barbare, de la manière dont elle a de concevoir la vengeance, oui, là, l'autorité. J'ai presque envie de glisser une incise. Et référez-vous à l'émission sur Conan le barbare. Il y a eu un très bon blockbuster qui a été fait il y a peu de temps. Voilà, donc c'est un personnage totalement syncrétique et en même temps qui a fait une révolution parce que c'était justement la première fois qu'on voyait dans une série non seulement une femme dominante mais deux. Et en plus, qui ne sont pas cornaqués par un patron comme les drôles de dames qui avaient Charlie derrière, toujours leur donner des ordres. Là, non, pas d'hommes. Et quand il y a des hommes qui apparaissent, ben, c'est l'élément comique joué par Ted Raimi ou d'autres. Ou bien les amants de Xena, love interest de Xena. Oui. Et effectivement, on parle beaucoup de Buffy. Vous connaissez mon amour pour Buffy, Frédéric. Oui. Buffy, qui arrive 2 ans après, donc oui. Xena 97, mais Xena est quand même la première. Guerrière badass. Alors, on en parlera peut-être, mais il y a une différence, puisqu'on parle moins de patriarcat dans Xena que dans Buffy. Buffy, elle a quand même Giles, elle a quand même des superviseurs, des hommes qui sont là, les hommes du conseil et tout. Xena, effectivement, elle est seule au début, après, il y a Gabriel qui est sa compagne de route, sa vraie compagne, on en parlera après. Mais effectivement, il n'y a pas d'homme autour et il n'y a pas non plus de notion d'infériorité du genre féminin dans Xena. C'est ça qui est intéressant. Dans Buffy, les démons et les vampires ramènent toujours Buffy à son genre en disant « mais t'es une petite blonde, là, qu'est-ce que tu crois que tu me fais peur ?» Xena, j'ai pas souvenir que des hommes lui disent « mais t'es une guerrière, toi, mais t'es une femme. » Au contraire, tous les hommes courent après elle en espérant avoir presque la validation de Xena, être digne d'être son compagnon, de partager sa couche. Et en fait, elle dit « non, en fait, non, j'ai pas besoin de toi, en fait. » Et que ça soit un dieu ou autre. Et d'ailleurs, là, j'aimerais m'adresser à Jimmy Goddard Picot. On parle de l'évolution de Xena, mais il y a aussi l'évolution de cet autre personnage qui est devenu aussi important que Xena, qui est Gabriel, qui évolue incroyablement sur 6 saisons. Ah bah oui, bien sûr. Bah, c'est même, je trouve, en tout cas pour moi, c'est le personnage qui évolue le plus. Parce que Xena, en soi, dès le début de la série, forcément, elle sait se battre, elle est forte, elle est indépendante. Gabriel, on parle quand même d'une fille de paysan qui était promise à un mariage, qui savait pas du tout se battre, qui était passionnée par la poésie, par la littérature. Et on voit au fil des saisons justement son évolution. Elle passe vraiment d'une fille de paysanne à l'égale de Xena à la fin de la série, où elle manie même son chakram que peu de gens, voire pas du tout de gens, arrivent à manier. Et elle commence avec ce statut de barde, d'acolyte de Xena, mais ensuite elle devient guerrière en apprenant à se battre avec le bâton, puis au fur et à mesure elle devient une sorte d'Amazon qui se bat avec des sai, comme Raphaël des Tortues Ninja ou Elektra pour ceux qui lisent les comic book Marvel. Et en plus, il y a aussi cette dimension de amour-haine au fil des saisons entre Xena et Gabriel. Il y a des scènes de déchirement incroyables dans cette série. Oui, bien sûr. Bah justement, je crois que c'est à la fin de la saison 3 où, bon, pour pas spoiler, en fait, il y a eu, il y a eu vraiment une grosse dispute et elles étaient tout simplement en train de s'entretuer. Et il y a eu un très bel épisode musical justement qui symbolise leur réconciliation. Mais bien sûr, après, c'est justement cette relation entre Xena et Gabriel. Forcément, il y a eu des hauts, des bas. Et ça symbolise vraiment une relation amicale ou même amoureuse qu'on vit tous tous les jours. En fait, donc c'est ça aussi qui est fort. C'est qu'ils ont très bien su retranscrire justement ces relations justement entre amis, tout simplement. Laurent Actin ? Oui, ce qui est intéressant, puisqu'on parlait de Buffy, c'est de voir l'évolution du personnage a priori secondaire, qui au fur et à mesure, que ce soit dans l'intérieur de la série et aussi pour le public, pour le spectateur, va prendre de plus en plus d'importance. Et dans Buffy, précisément, c'était Willow, qui a fait exactement le même parcours d'évolution incroyable, en partant d'une petite élève complètement geek. Très très timide, pour devenir Dark Willow à la fin, une sorcière extrêmement puissante. Et on voit son évolution à l'intérieur de la série, face à un personnage qui est finalement condamné de par son statut, a moins évolué puisqu'elle a déjà tous ses attributs au départ. Elle a des conflits moraux, bien évidemment. Et c'est la grande idée qu'il y a eu dans Xena, c'est d'avoir mis Gabriel, un peu comme il peut y avoir Enak pour Alix, puisqu'on veut parler de l'antiquité pour les adolescents, toujours ce contrepoint de personnage qui permet, face à un héros qui est quand même plus ou moins monolithique, ou une héroïne, d'avoir un personnage en constante évolution. Bon, alors là, oui. Je suis en train de réaliser une sorte de petit rêve personnel. On cite Enak, juste après avoir parlé Buffy en parlant de Xena. Là, je vis ma meilleure de vie, ma meilleure des vies. Hein. On va faire une petite pause musicale avec Jessie Reyes. On écoute I Do. I was 5 years ago. I didn't know you were cold, so I could get you on the phone. The old you I'm looking for. My favorite memory. You call me your majesty. And we let this whole castle fall down. Oh, what a tragedy. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do. I do. You got something on your chest. Do you wish we weren't finished yet? Cause I do. I do. Come bring me all your sins. I'll forgive all of them. If you put a band-aid on the scars, I'm no good at hiding them. Would you give me your heart again? Or at least let me borrow it. If I could just see you, we don't even have to talk. I'll take an argument. Do I still live in your head? Do you still live with regrets? Cause I do. I do. Do you got something on your chest? Do you wish we weren't finished yet? Cause I do. I do. C'était I Do de Jessie Reyes sur France Inter dans Blockbuster. Frédéric Sigrist. So far so good. Blockbuster. Sur France Inter. Alors Xena est une série innovante pour l'époque, mais bon, je sais très bien ce que certains auditeurs sont en train de penser, et c'était pas The Wire non plus. Hein. Par conséquent, Xena, c'est votre moment, à vous les détracteurs, il y a aussi des gens qui n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas. Et des gens qui ont des choses à dire sur Xena, hein, qui ont des griefs, il y en a aussi au sein même de cette belle maison qu'est France Inter. Et nous avons en ligne Fabienne Synthèse. Bonjour Fabienne. Salut Fred. Alors, bonsoir tout le monde. Voilà, je rappelle, vous êtes productrice du 18-20 pendant toute l'année et sur France Inter. Et cet été, vous êtes productrice de Président, diffusée tous les dimanches et qu'on peut retrouver en podcast. Absolument, le samedi à 20h, le dimanche à midi, voilà, comme ça j'ai réussi à le placer. Voilà, mais c'est bien, un petit peu de promo, ça fait pas de mal. Alors Fabienne, parlez-nous de votre rapport à Xena, rapport conflictuel j'ai l'impression. Ah mais conflictuel c'est même pas le mot, moi j'ai toujours détesté cette série sur laquelle je tombais malgré tout, et sur laquelle, à mon corps défendant, je restais, parce que, au fond, j'en croyais pas mes yeux. Et j'ai toujours pensé que, d'abord, il y a plusieurs choses. J'ai toujours pensé que Xena, le personnage de Xena jouait horriblement mal, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'elle est étonnée, elle ouvre la bouche. À chaque fois qu'elle est en colère, elle fait les gros yeux. C'est complètement ridicule. Et puis, il y a ce truc qui a été rajouté dans la bande-son. Je suis assez curieuse de savoir pourquoi, d'ailleurs, une espèce de vouch. À chaque fois qu'elle tourne la tête. Mais c'est parce qu'elle est rapide. Ah bah oui, c'est rapide, mais c'est moins qu'on puisse dire, mais franchement, et moi personnellement, ça m'a jamais fait rire, et puis il y a cette espèce de personnage guerrier qui les accompagne, là, celui qui est à côté comme un as de pique, j'imagine que c'est censé être c'est drôle, mais ça m'a, voilà lui-même, mais ça m'a jamais fait rire, c'est terrible, j'ai jamais compris vraiment pourquoi ça, ce que ça faisait là. Et puis, alors je vous parle même pas des intrigues. Alors après, j'imagine que vous en avez déjà parlé, si c'est pas le cas, vous allez le faire. Il m'a pas échappé qu'il y avait un subtexte derrière Xena, il m'a pas échappé que tous ces personnages étaient devenus des icônes gays et que à la fin des années 90, j'imagine que c'est tant mieux parce qu'il y en a finalement tellement peu. Mais moi j'ai l'impression que même au fond le côté très féministe et très LGBT est raté dans cette série en fait, parce qu'il n'est pas pensé. Et j'ai toujours soupçonné que Sam Raimi l'avait vu venir sans l'anticiper et que du coup c'est pas travaillé, il a simplement suivi les réactions de ses femmes. Par exemple, on a deux filles qui sont super badass, donc qui tabassent des mecs à coups de bâton, on a deux femmes qui voyagent seules, qui sont très libres, qui ne scotinent pas le ménage les pompes et le reste. On a deux femmes qui font la guerre comme les hommes, mais au fond, est-ce que c'est ça la vraie égalité? Est-ce que c'est de faire la guerre comme les hommes? On peut en discuter. On a deux femmes qui refusent la domination masculine, et à côté de ça, elles sont toutes hyper sexualisées, elles se baladent en soutien-gorge à peu près sous tous les climats, elles usent leur choix, d'ailleurs parfois quand il le faut, donc d'une manière finalement très très féminine, et parfois, moi je trouve, à la limite du sexisme. Bref, y compris cette partie-là, pour moi, cette partie... Fabienne, la séquence troll, elle ne dure que 3 minutes. Celle-là aussi, il ne faut pas les rater. très bien, Fabienne. Voilà, bon bah rhabillez la Xena. Non mais y a pas de problème. Vous savez, en même temps, moi, tout le confinement, je vous écoutais à la radio en me disant cette femme est merveilleuse, vraiment, elle a toutes les qualités, et ça me rassure de voir que, eh ben, derrière ce vernis de perfection, il y a quand même un petit défaut. Voilà, elle déteste Xena, qui vous rend encore plus merveilleuse, parce que voilà, vous avez le défaut de la cuirasse de Femme Synthèse. Elle aime les figolus et elle aime pas Xena. Voilà. Exactement. Mais je vous embrasse quand même. Frère. Mais moi aussi. Merci beaucoup, Fabienne. La bise, à bientôt. Ciao. Ciao. J'aime pas. Bon, alors faut que je me remette quand même de tout ce torrent de haine que j'ai entendu. Moi, je suis j'ai la bouche ouverte. Comme Lucie Lolès. Si on m'avait dit un jour, je pourrais répondre à une synthèse sur Xena. Nora Boisoni, on constate quand même dans Xena la construction d'un univers, Laurent Acknell l'a dit, d'un méta-univers, une sorte de parc d'attractions télévisuelles où tout peut arriver. Dès la fin de Xena saison 1, il y a même carrément le cinéma de Hong Kong qui est convoqué, c'est-à-dire que quand elle se bat, elle fait des arts martiaux, et on pense évidemment à Il était une fois en Chine de Choi Ark, la mariée aux cheveux blancs de Ronnie Yu. Il y a toute cette dimension dans Xena. Oui, il y a même pire, il y a même une saison où il y a carrément une équipe de films ciné qui arrive avec... qui la suit avec un micro et une caméra, si mes souvenirs sont bons. Oui, il y a des basculements temporels, il y a des uchronies, parfois on passe dans le 20e siècle et des gens vont commencer à écrire les mémoires de Xena, il y a des télescopages complètement fous. Oui, on voit ses héritiers à un moment, les descendants. Héritiers. Ouais. Il n'y a aucune logique temporelle, mais ça vient aussi de cette tradition du cinéma populaire. C'est vrai que j'entendais Fabienne Fintès disait elle se balade toujours en soutien-gorge, mais Hercule se balade toujours en slip aussi, ça fait partie des codes du genre, du cinéma des années 60. Et il faut comprendre que cette série est aussi, en quelque sorte, une série héritière du cinéma de quartier, dans lequel on pouvait voir au même programme, par exemple, aux États-Unis, dans la 42e rue ou à Barbès, je ne sais pas moi, La Charge des Cosaques en double programme avec Le bras armé de Vong Yu contre la guillotine volante. C'est-à-dire des éléments qu'on va retrouver en vrac, justement, dans cette série. Et ça, c'est la porte ouverte, justement, à cette forme d'imaginaire où tout peut arriver. Alors, avec un budget parfois un peu limite, donc avec des monstres un petit peu toc, un petit peu ringard, mais ça fait partie aussi de l'esthétique qui est revendiquée presque dans cette série. Et le côté, je dirais, totalement inconcevable au niveau du réalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut tenir debout logiquement, c'est pris en charge par les scénaristes avec une santé qui est toujours revigorante, parce que ils y vont à fond. Il n'y a pas de... il y a de l'humour, mais il n'y a pas cette espèce de distance avec un point de vue supérieur. On sait qu'on fait quelque chose un petit peu bizarre. Non, non, on y va à fond dans le premier degré, et c'était au spectateur de trouver le second degré et de se positionner par rapport à ça. D'où cette jubilation quand on voit la série. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si Quentin Tarantino lui-même a toujours trouvé Xena formidable. C'est d'ailleurs en regardant Xena qu'il a repéré Zoé Bell, qui a ensuite doublé et Uma Thurman, et qu'il a fait jouer dans Boulevard, de la Mort, et également dernièrement dans Il était une fois à Hollywood. Oui, oui, tout à fait, puisque c'est exactement cet esprit un peu tarantinesque du cinéma sample, comme j'appelle ça, c'est-à-dire on prend des éléments de toute culture, on les met, on secoue et on tombe sur quelque chose, parce que quand on voyait des films géniteurs dans une salle de cinéma, tout se mélangeait dans les souvenirs. Et finalement, ce type de série fait par Sam Raimi, c'est une espèce de projection fantasmatique de souvenirs de cinéphiles qui recrée un univers à partir de ça. Nora Boisvenny, c'est aussi l'apparition d'un autre acteur qui s'est constitué une part assez importante dans la Galaxie Geek, c'est Carl Urban. Qui joue Cupidon une première fois, puis ensuite Jules César, et qu'on a ensuite retrouvé jouer Homer dans Le Seigneur des Anneaux et dans The Boys aussi. Il y a évidemment plein de petits noms comme ça qui sont apparus dans cet univers-là. Mais en fait, c'est l'époque où on voit des gens. On parlait de Xena qui avait déjà joué deux rôles dans Hercule. C'est une époque, Sex and the City. Je sais plus si c'est Matthew McConaughey qui joue trois rôles différents, trois love interests de Carrie différents. Enfin, c'est quand même une époque où tout le monde joue dans toutes les séries, que ce soit tourné en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, il y a vraiment on peut tisser des liens entre des espèces de chartes comme dans The L Word avec tous les acteurs, actrices de l'époque qui se répondent, mais comme aujourd'hui l'industrie des séries britanniques ou du cinéma, finalement quand on est fan de séries britanniques on voit les acteurs et actrices jouer dans un peu partout quoi. Sherlock et mais c'est ça qui était aussi rigolo, on pouvait voir un gars dans les 5 premiers épisodes jouer un dieu, puis le voir jouer un méchant avec une perruque grotesque dans la saison 4, c'est aussi intéressant pour les fans d'essayer de repérer un peu, c'est pas des easter eggs mais c'est presque un jeu de piste en fait. Faut pas oublier qu'on voyait un épisode par semaine, et que quand on voyait un épisode parce que 5-6 semaines, on avait parfois oublié le second rôle que l'on voyait dans un autre costume quelques temps avant. C'est depuis qu'on a cette manie de revoir toutes les séries en DVD qu'on peut faire ce type de repérage, et ça ajoute au plaisir d'ailleurs. Et Jimmy Godard-Picot, est-ce que l'amour que vous portez pour Xena, avec la communauté de fans de Xena que vous côtoyez régulièrement, continue d'être aussi vivace, ou au fur et à mesure du temps ça s'étiole? Ah non, bien sûr que ça continue encore aujourd'hui. Hein. Là, je parle souvent avec mes amis que j'ai rencontrés justement grâce à cette communauté, et c'est vraiment un amour qui reste et qui restera. C'est une vieille série, d'accord, mais le problème c'est qu'il y a tellement de profondeur dans cette série que pour nous, elle restera toujours intemporelle. C'est quelque chose qui nous lira. J'ai fait des rencontres grâce à cette série qui dureront sûrement encore des années. J'ai l'intégrale des DVD à la maison, je me les refais souvent. Cet amour, pour moi, il ne s'étiolera jamais. Bon, alors, Jimmy Godard, je compte sur vous pour ne pas faire d'expédition punitive après Fabienne Synthèse. Hein. C'est quelqu'un de très gentil, hein, vous savez. Ah non, mais après, je comprends tout à fait son point de vue et je le respecte. Hein. De toute façon, pareil, moi, il y a des séries qui sont adorées que je n'aime pas du tout. Et c'est, bien sûr, chacun a son point de vue sur cette série. Moi, j'ai le mien et je le partage avec beaucoup de monde. Et elle a sûrement son point de vue qu'elle partage avec beaucoup de monde aussi. C'est tout à fait normal. Et je voudrais vous poser une question à tous les trois. Cet amour entre Xena et Gabriel, est-ce que c'est quelque chose qui était voulu initialement par Rob Tappert et Sam Raimi, ou est-ce que c'est vraiment la poussée des fans qui a fait qu'on a mis plus l'accent sur cette relation? Il y a un peu des deux, non, en fait. Oui. Il y a un peu des deux. En fait, quand on regarde les interviews de scénaristes aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent « Moi, j'écrivais cette série tout en sachant pertinemment que j'écrivais la série avec deux femmes qui s'aimaient d'un amour amoureux, quoi, et pas seulement amical ou pas platonique, etc. » Et il y a aussi la surprise, comme l'évoquait Fabienne Synthèse tout à l'heure, de ce sous-texte et des fans qui tout à coup sont emparés de cette histoire entre les deux, cette histoire d'amitié profonde, de loyauté, de dévotion à la vie, à la mort. D'âmes sœurs, on peut avoir des âmes sœurs amicales, hein, il n'y a pas besoin d'être amoureux pour avoir une âme sœur. Et finalement, ils se sont dit « Ah, c'est pas mal ça, peut-être faire un peu du fanservice aussi, on va faire plaisir à toute cette... » Parce que rappelons quand même que Xena fait partie des toutes premières séries à avoir animé des débats sur Internet. Il y a eu X-Files à l'époque, mais Xena vraiment animait les forums, et les gens qui faisaient la série allaient sur ces forums, parler avec les fans, discuter, ou bien simplement lire ce qu'ils avaient à en dire. Argon ne t'obéira pas, et si tu continues à les prôner, je te casse les chevilles. Oh, la gentille Xena. Ah, bonjour, alors tu as décidé de te battre du côté de la justice? C'est un peu ça, oui. Et tu t'imagines que tous les pauvres gens que tu as maltraités et dépouillés vont sauter de joie? Non. Ce qui t'est arrivé était affreux. C'était ma faute et j'en suis consternée. Voilà ce que j'en fais de tes excuses. Ne l'écoute pas, Xena. Elle essaye de te faire croire qu'elle est ta victime. Non. Non, c'est pas sa faute du tout. Si j'ai rêvé chaque nuit que je renvoyais ma mère sortir de notre maison en flammes, en hurlant comme une folle. Si je te libère, qu'est-ce que tu feras? Tu ne vas pas la libérer. Mais j'ai changé, pourquoi pas elle? Non, il n'y a rien à espérer, son cœur déborde de haine. Ça alors, j'avoue que c'est très drôle de voir Xena, la princesse guerrière, prendre ma défense. Ça, ça m'amuse. Alors, laisse-moi répondre à la question que tu viens de me poser. Si je peux reprendre ma route, je consacrerai tous les jours de ma vie à détruire tout ce que tu peux aimer. Tes amis, comme ta famille, ta réputation, même ton cheval. Tu vois, je suis franche avec toi, parce que l'idée que tu pourrais avoir pitié de moi est pire que la mort à mes yeux. Tu vois, tu as créé un monstre honnête et sincère. Ça fait peur, hein? Dans cet extrait, vous venez d'entendre Callisto, l'ennemi juré de Xena, interprété tout en sobriété par Hugson Lake et doublé en VF par Corinne Le Poulain. Alors vraiment, elle est très très méchante parce que Xena, elle a brûlé son village quand elle était petite et elle s'en est jamais remise. Laurent Aknin, vous vouliez intervenir juste avant l'extrait sur la représentation. Oui, sur le couple Xena-Gabriel, parce que ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que au début, il fallait une comparse, parce qu'un personnage tout seul, ça ne fonctionne pas. Et on pouvait pas mettre un homme, parce que sinon, on retombait dans le schéma classique, donc il fallait qu'il y ait un second rôle pour accompagner Xena. Et puis, on voit au fur et à mesure de la première saison que quelque chose est en train de se passer, même une alchimie entre les deux comédiennes d'ailleurs, et puis les scénaristes ont travaillé ça. Et puis, c'est dans la deuxième saison vraiment qu'il y a cet épisode, c'est un épisode culte pour tous les amateurs, ce qui s'appelle A Day in the Life, un jour dans la vie, qui est un épisode un petit peu hors norme parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est une sorte de chronique de la vie quotidienne de Xena et Gabriel. Et il y a... Épisode, je crois, qui avait été écrit, je pense, parce que Lucie Lelès avait été blessée et il était nécessaire qu'elle... Qu'elle fasse un peu une pause, voilà, qu'elle soit donc, très calme. Donc, c'est un épisode un petit peu hors norme et dès le générique, il y a quelque chose qui se passe qui est très, très drôle. Il faut voir aussi qu'en français, la version française adoucit énormément les dialogues qui sont beaucoup plus explicites dans la version originale. Comme ça se fait souvent en France, des dialogues, le sous-texte des dialogues était beaucoup atténué en français. Mais quoi qu'il en soit, au début de l'épisode, il y a un des personnages masculins qui... alors, Xena est en train de choper des poissons dans une rivière. Il y a Gabriel qui est en retrait et très subtilement, le personnage masculin demande à Gabriel, mais Xena n'a jamais pensé à se poser, à se marier. Et là, Gabriel commence à dire, oh non, non, parce qu'elle aime beaucoup trop ce que je lui... Et là, elle prend un poisson sur la figure pour l'interrompre. Ça s'arrête là, et puis tout le reste de l'épisode, on voit très bien l'intimité qui se passe entre Xena et Gabriel. Elles prennent un bain juste après. Elles prennent beaucoup de bains toutes les deux. Mais il y avait aussi réellement, sans doute, une demande de la part du public, parce que c'était la première fois que, pas entièrement d'une manière explicite, mais juste à la limite de ce qu'on pouvait mettre dans une série dite familiale, on montrait un couple lesbien. C'était la première. Il y avait déjà un personnage gay dans Dynasty, par exemple, masculin. Mais un couple lesbien, c'était la toute première fois que vraiment le sous-texte est devenu tellement évident que ça y était. Mais il n'était pas... Après, il était pour, pas... pour réagir par rapport à ça, on ne peut pas vraiment parler de couple lesbien, en fait, parce que c'est justement ce qui est bien dans cette relation, c'est que jamais elles ne s'admettent en couple. Et dans la communauté, justement, il y a deux clans, en fait, qui s'affrontent. Il y a ceux qui sont pro Xena Gabriel et ceux qui sont pro Xena Ares. Et on peut vraiment jamais parler de couple, même si, bien sûr, il y a des... Je pense qu'Ares, quand même, il faut qu'il fasse le deuil. Mais on peut pas vraiment parler de couple parce que comme je l'ai vu justement sur la vidéo de Badass, comme vous l'avez très bien dit, dans toute cette série, on ne met pas d'étiquette justement sur la sexualité des personnages. Ah, il est fort. Et c'est ça qui est fort surtout pour l'époque. Mm. Donc c'est ça vraiment qui est apprécié par tous les fans. Et Nora Boisoni tient à répondre. Nora Boisoni. Merci d'avoir apprécié Badass, merci Jimmy. C'est pas parce qu'on met pas d'étiquette qu'on peut pas dire qu'on a un couple. Moi, ce que j'entends par pas d'étiquette, ce que je dis dans Badass notamment, c'est le côté queer en fait. Et le queer, par définition, ne se définit pas en fait. Gabriel et Xena n'ont pas à mettre d'étiquette sur leur relation, comme personne ne devrait avoir mettre d'étiquette sur son orientation sexuelle ou ne pas en avoir, être en couple ou pas. En fait, cette relation, comme le disait Laurent, c'est que il faut penser à la censure et Fabienne Synthèse, si elle nous écoute encore, le sous-texte n'est pas si évident que ça pour tout le monde parce que justement la série devait rester familiale. Sur le sous-texte, il a quand même pas échappé à bon nombre de spectateurs et spectatrices de l'époque, homosexuels. Asexuel ou pas, bisexuel ou pas, hétérosexuel ou pas, quels que soient les âges. Aujourd'hui, quand je parle de Xena à des gens qui ont l'âge de mes parents, moi j'ai 34 ans, mes parents donc n'ont pas le même âge que moi, ils me disent comment ça elles étaient ensemble. Je dis il y a quand même un épisode où Xena commande à Sappho un poème qui existe du coup vraiment, qui est lu par Gabriel et qui ne laisse aucun doute quant à l'intérieur de leur relation. Et effectivement, cette relation, les baisers sont dissimulés par des baisers censés sauver la vie de Gabriel, leur crache de l'eau dans la bouche, mais enfin, c'était assez clair pour que les gens, entre guillemets, concernés, c'est-à-dire les gens à qui ça ferait plaisir, enfin, d'être représentés à l'écran sous un angle positif, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas des personnages marginaux. Xena, spoiler, elle meurt à la fin. Ah, bah oui, voilà. Mais c'est quand même, je viens de spoiler la France entière, désolé. Mais, là, il y a la réalisatrice qui est choquée. Ça, je vais en entendre parler. Alors ça, c'est sûr, je vais recevoir des mails. Mais c'est comme Usual Suspect, on peut raconter la fin maintenant. Il y a une spoiler. Non mais voilà, en tout cas, c'était positif pour l'époque de montrer un couple lesbien comme ça, qu'on ne pense en couple ou pas. Moi, je suis team, elles sont en couple. D'accord, alors dans quelques instants, on va jouer avec un auditeur, s'il est encore là, parce que j'espère qu'il est... Mais pour le moment, on écoute Christine and the Queens avec Je disparais dans tes bras. C'était Je disparais dans tes bras de Christine and the Queens. Et maintenant, on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu, mes amis. Je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Damien Barboteau au téléphone. Bonjour, Damien. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien, vous ? Oui, très bien. Fan de Xena ? Alors, j'ai surtout regardé quand j'étais petit, quand ça passait à TF1. Moi, mes parents m'étaient à 9 ans devant, donc c'était peut-être pas la meilleure série à 9 ans. Mais bon, j'adorais les trucs mythologiques, donc Xena, c'était l'occasion. C'était vraiment, moi, j'aimais beaucoup étant petit. Je pense que c'est devenu super petit, surtout maintenant. Mais non. Bon, vous connaissez le principe du jeu. Vous allez devoir répondre à 3 questions en 25 secondes chrono. Et si vous ne pouvez pas répondre, pas de problème. Vous avez droit à un joker qui vous permettra d'être aidé par l'invité de votre choix. C'est bon? Oui. Alors, première question. Comment se nomme le personnage incarné par Bruce Campbell, qui est également l'interprète du mythique Ash dans Evil Dead? Autolycos. Bonne réponse. Autolycos, roi des voleurs. Question suivante. Combien de fois Xena est-elle apparue dans la série Hercule? Deux fois. Trois fois. Attendez. Deux fois. Quatre fois. Six fois. Je dirais quatre fois, du coup. Vous êtes Est-ce que vous êtes sûr? Je sais pas. J'ai pas regardé Hercule pour l'époque. Eh bien non, ça n'est pas quatre fois. Ah. Alors, est-ce que vous voulez faire appel à un joker? Oui, je veux bien. Alors, Nora Boisoni, Laurent Aquenin? Laurent Aquenin. Alors, je répète, combien de fois Xena est apparue dans la série Hercule? Il reste deux fois ou six fois? Alors, six fois. Bonne réponse! Ouf! On a eu peur. Oui. Quel est le nom, troisième question, quel est le nom du personnage que vous allez entendre? Ça a toujours été mon rêve d'être contre toi, que ce soit dans l'amour ou dans la guerre. Tu ne me donneras aucune de ces satisfactions. Aucune. Alors un indice, parce que je suis vraiment quelqu'un de gentil, il a le même nom que l'adversaire de Rocky dans Rocky 4. Hey, j'ai pas regardé Rocky 4, c'est bien. Pensez à un dragon. Drogo. Bravo, voilà, bravo. C'est bien. Vraiment, c'est incroyable comment les gens sont doués. Hein. On les aide pas du tout, ils trouvent ça spontanément. Draco, interprété par Jay Laga-Aya, que vous avez également pu voir dans Star Wars épisode 2 et 3, interprétant le capitaine Typho. Eh ben, vous avez gagné, Damien Barboteau, un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre. Un partenariat des éditions Radio France et des éditions Marabout. Merci, bah c'est vraiment super. Eh ben voilà, bah ça me fait plaisir de faire plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nora Boisoni, on a abordé plein de sujets, mais il y en a un qui est quand même essentiel quand on parle de Xena, c'est la maternité. Parce que c'est quand même non seulement une des premières PMA, si on peut dire, présentées à la télévision, mais c'est aussi la première fois qu'un personnage héroïne d'une série, et enceinte à l'écran, et c'est assumé. Oui, c'est la procréation magiquement assistée dans le cas de Xena et Gabriel. En fait, pour faire un petit retour rapide, Xena est donc maman d'un garçon qu'elle abandonne, qui va finir, je spoil tout le monde, hein, je vais me faire détester par tout le monde, mais bon... De toute façon, je pense que ça pourra pas être pire que... Hein, voilà, qui va finir tué par l'enfant de Gabriel, qui a été inséminé par quelqu'un qui voulait se venger. Ensuite, Xena est réinséminée par quelqu'un d'autre. Donc, Xena, elle a plus que un enfant avec Gabriel, et elle parle de leur enfant, c'est notre enfant, donc ça, si c'est pas un truc de couple, je ne sais pas ce que c'est. Mais effectivement, on a eu des mamans badass, guerrières, par exemple Sarah Connor, qui se bat, mais alors elle, c'est un peu le but, quoi, elle se bat pour sauver son fils, en fait. C'est vrai que les héroïnes badass sont censées être solitaires, souvent célibataires, et effectivement pas maman, puisqu'on a cette dichotomie, on pourrait pas être une guerrière en étant une mère, on devrait être maternelle, douce, tendre, etc. Laurent Aquenin, il y a aussi un rapport particulier à la religion dans Xena. On commence avec un polythéisme typique de toute série qui traite de mythologie grecque, mais assez rapidement, on va vers l'hindouisme, on va vers les réincarnations. On va vers quelque chose de plus oriental, de plus mystique, au fur et à mesure de l'évolution de la série. Et ça correspond à la fois au travail des scénaristes, à l'évolution, des spectateurs eux-mêmes, puisqu'on commence à aller vers cet esprit-là, et puis tout simplement l'évolution des personnages qui sont à la recherche d'eux-mêmes. C'est quand même, on le disait au début, c'est une série qui travaille sur le thème de la rédemption, dans la quête de soi, Que ce soit pour Xena qui essaye de se faire pardonner des massacres qu'elle a fait et d'essayer de se racheter par rapport au monde, et Gabrielle qui essaye de se trouver elle-même, qui est une petite jeune fille au départ et qui évolue. Et au fur et à mesure, on dépasse complètement le polythéisme grec et puis les monstres un petit peu en carton-pâte pour arriver de plus en plus vers une sorte de mysticisme asiatique. Et c'est assez intéressant, c'est un cas vraiment unique où on voit qu'il y a une démarche, j'allais pas dire philosophique, mais quand même, qui s'imprègne au fur et à mesure dans la série. Et c'est, d'ailleurs, c'est assez curieux parce que quand on voit certaines séries pour, entre guillemets, adolescents, qui reposent sur l'imaginaire, sur les mythes, on parlait de Buffy tout à l'heure, c'est à peu près le même trajet que va suivre les personnages de Buffy contre les vampires. C'est assez curieux de voir que ces séries qui sont destinées à un public familial au départ, fait avec 3 francs 6 sous, au fur et à mesure, quand le public se constitue, qu'il y a des réseaux, qu'il y a des problèmes de fans, les thématiques sont de plus en plus profondes. Merci beaucoup Laurent Aknin, c'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, on vous invite à regarder Xena avec un œil nouveau. Hein, et puis surtout, il y a Lucie Lelès, quoi. Lucie Lelès, c'est Spartacus, c'est Battlestar Galactica, c'est Evil Dead, c'est quand même Lucie Lelès, quoi. Bref, merci Laurent Aknin, Nora Boisoni, Jimmy Godard-Picot et évidemment Fabienne Sintès. Céline Hila a réalisé cette émission. Jeanne Paravert, Sarah Masson et Hugo Gombe l'ont préparée, aidée par Tom Malky, notre stagiaire. Et à la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet et Julien Michel. Tout se termine ici avec moi. Tu n'as pas l'air de comprendre, on dirait. Tu as gagné.